avis de recherche. Avis de recherche. tazwa zonga ki Paris kate mbuka masolo ya bolingwango ezalaki ya ndambo ekoma na Paris sango epanzani balobi bolingwa ya mabala eyeboyeboye petite kati chaîne Paris à l'élo, titre comme un couteau, passé, Waku, de la barretta, Sala Ozonga, ceux qui vont à Paris, bah, ouais, ici, pour un yé, Nanasina, Zonga, Nanga, c'est pas, Longindo, Yoka, Vizilu, Yamikoloyo, moi, Mike, Mike, quoi, et Ozanga, t'es quoi. Motoribosongaite, Jimmy Kourou, Afomola Nganda, Apesa Congo, Chicago, Akoma Kolesa, Baleki, Nama Mama. Toyaka Kokuta, Baye Moussousou, Bakenen Zela Liwa. La vie au bois, il y a ma losse, attends moi le troisième arrondissement, mon côté. Bon anaï moko, mon thé me tonda souci mon nene, maman ou ya botangaï, maman yungi, a kenen zela liwa, la tikala nanga moi les kike. Lelo na zanga tata na mama Mawatro Ezali lisano Dome, Maninga Nanga, Albin, Vieux Lapin, MGA, Yabuno, Nabane Kinangai, Yabasi, Palate la Bango, Vili la Mitema, Ngai Moko Mabala, Nzembe la Bango, Poetika la Seko Seko na la vie. Ezali tokotunana Lorena, Lorena, Lorena, Oyo pasiba, oyo pasiba, mwana mboka zonga, mwana mboka ya, wande. Petit Gilmar